Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici première. Promutuelle Assurance est fière de présenter ce balado. Assurance auto, habitation et entreprise, on est là pour vous offrir les protections adaptées à vos besoins. Pour assurer votre paix d'esprit, Promutuelle Assurance est là. Bonne écoute. Le balado commence dans 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la guerre d'indépendance du Bangladesh en 1971. J'ai quitté le Pakistan parce qu'il n'y avait pas de gouvernement indépendant et que toute ma famille, dont ma mère, avait été assassinée. Et qu'il n'était plus possible de vivre là-bas. Mon espoir, c'est que le parti des Muktivani aura suffisamment d'armes, qu'il en trouvera, qu'il en prendra même aux troupes régulières pour libérer mon pays et que je retrouverai très bientôt ma mère patrie. Ils seront des millions, comme cet homme qu'on entend dans un reportage diffusé à l'émission Formatante dimanche, à fuir leur pays durant la guerre d'indépendance du Bangladesh en 1971. Cette guerre particulièrement cruelle et sanglante va en fait conduire des millions de Bengalis à trouver refuge en Inde en attendant la fin des hostilités. Les problèmes des Pakistanais que connaissent tous ces gens au Bangladesh actuellement proviennent d'une grande injustice politique qui s'est déroulée au cours de cette année par suite de l'élection démocratique par une très grande majorité de la population d'un parti politique, la Ligue Awami, qui réclamait l'indépendance, la sécession de cette partie orientale du pays. Or, on sait que le gouvernement fédéral du Pakistan occidental a refusé d'entamer les négociations, comme il était prévu que ça devrait se dérouler, et que finalement, c'est par une intervention de l'armée fédérale que les choses se sont plus ou moins réglées, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral a repris la main sur ce territoire qu'il ne voulait pas laisser aller. Alors, il est toujours bon de rappeler que le seul tort de ces gens, c'est d'avoir voté du mauvais bord, d'avoir voté bleu plutôt que rouge, par exemple. C'est ça, et de s'être retrouvé à peu près désarmé et impuissant face à une armée. Et une armée qui occupait son territoire, qui bloquait le commerce, qui bloquait à peu près tout. En plus, la journaliste Armande Saint-Jean, l'émission Présent, en octobre 1971. Armande Saint-Jean souligne dans cet extrait l'importance que va avoir cette élection de décembre 1970 dans la marche du Bangladesh vers son indépendance, pour justement nous rappeler le contexte qui va conduire à la guerre d'indépendance du Bangladesh en 1971. Je reçois le journaliste Frédéric Lavoie, qui connaît bien le pays pour s'y être rendu à de nombreuses reprises depuis quelques années. Frédéric Lavoie, bonjour. Bonjour, Jacques. Pour bien comprendre, Frédéric Lavoie, ce qui va conduire à la guerre d'indépendance du Bangladesh en 71, il faut tout simplement remonter à 1947, au moment de l'indépendance de l'Inde, de la création du Pakistan, parce qu'au fond, tout part de là. Tout part de là parce que il faut se rappeler qu'en 1947, donc, les Indes britanniques deviennent deux pays, l'Inde qu'on connaît aujourd'hui et le Pakistan, ce Pakistan qui était formé du Pakistan d'aujourd'hui et du Bangladesh d'aujourd'hui. Donc, c'était deux ailes séparées par 1600 kilomètres d'Inde, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, qui est le Bangladesh d'aujourd'hui. Donc, ces deux Pakistans, pour qu'on comprenne bien, là, sont situés aux deux extrémités de l'Inde. Aux deux extrémités de l'Inde. Et ce qui les unit dans tout ça, c'est l'islam. On avait, donc, avant 1947, il y avait le mouvement pour le Pakistan. On voulait unir toutes les provinces des Indes britanniques sous le drapeau de l'islam, tous les provinces à majorité musulmane. Et donc, on s'est retrouvé avec cette partie orientale qui était la moitié de la province du Bengale indienne. Donc, il y avait une partie hindoue qui est allée à l'Inde et cette partie musulmane qui est allée au Pakistan. Et qui devient le Pakistan oriental. Le Pakistan oriental, oui. Ouais. Et ça provoque, parce qu'évidemment, encore une fois, 1600 kilomètres qui séparent les deux Pakistan, occidental et oriental, c'est déjà assez particulier. Et il y a, du côté du Pakistan oriental, qui va devenir le Bangladesh, de la grogne, assez rapidement. Ça commence quand et ça tourne autour de quoi, cette grogne? Ça commence trois mois après l'indépendance déjà. Parce que, je vous l'ai dit, on est unis par l'islam, mais on est séparés par beaucoup de choses. Par la géographie, évidemment, mais par la culture et par la langue. La langue est l'élément central. Au Pakistan oriental, on parle bengali, la langue de la majorité, presque 100% de la population parle cette langue. Au Pakistan occidental, on parle plusieurs langues, mais surtout, on veut imposer la langue ourdou, qui est vue comme la langue musulmane musulmane par excellence, la langue qui va unir tous les musulmans. C'est une langue qui n'est parlée que par 3% de la population de tout ce grand Pakistan, mais qui, voilà, qu'on veut imposer partout. Et au Pakistan oriental, ça ne passe pas. On veut que le bengali soit aussi une langue officielle. Donc, on se lance dans des protestations qui vont culminer en 1952, et on va finalement réussir plusieurs années plus tard à faire en sorte que le bengali soit reconnu comme une langue officielle au Pakistan. Donc, organisation même d'un mouvement politique pour revendiquer sur la question linguistique, mais plus largement parce que le Pakistan oriental aussi est un petit peu défavorisé économiquement, politiquement. Ça compte aussi dans l'équation. Absolument. Ouais. Parce qu'en 1947, lorsqu'on sépare le Bengale en deux, on avait d'un côté ce qui est aujourd'hui le Bangladesh, qui était très rural, alors que les usines se trouvaient au Bengale occidental, donc aujourd'hui l'Inde. Alors, c'est une région, le Pakistan oriental est une région plus rurale, et tous les pouvoirs économiques et politiques se retrouvent à Karachi au départ, la capitale, donc côté ouest, et l'armée est formée presque à 85% de Pakistanais occidentaux. Donc, il y a de la discrimination économique, les institutions étatiques sont vraiment contrôlées par l'ouest, et les investissements nationaux se font majoritairement à l'ouest. Donc, la grogne, le mécontentement va s'organiser dans une formation politique, la Ligue Awami, qui devient très, très vite le principal parti politique d'opposition au Pakistan. C'est Sheikh Mujibur Rahman, ou Sheikh Mujib, qui devient le chef de la Ligue Awami à partir de 1963. Et cet homme-là, on dit de lui que c'est le père de l'indépendance du Bangladesh, donc figure centrale dans la marche du Bangladesh vers son indépendance. Qui est-il d'abord? Et dites-nous un petit peu, tracez-nous un peu son parcours, là. Quel objectif il poursuit? Oui. Sheikh Mujibur Rahman a participé à tous les mouvements d'émancipation, c'est-à-dire l'émancipation en 1947, donc pour le Pakistan, ensuite dans le mouvement pour la langue. Et lorsqu'il devient chef de cette Ligue Awami, comme vous disiez, en 1963, il se rend compte de toute cette discrimination économique et il finit, 3 ans plus tard, par sortir un manifeste en 6 points dans lequel il demande la confédération du pays. Confédération du pays, c'est-à-dire que le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, selon lui, ne devraient partager qu'un ministère des Affaires étrangères et de la Défense. Ouais. On devrait même peut-être avoir une monnaie différente d'un côté et de l'autre. Donc, il veut carrément un pays quasi indépendant. Et ça, évidemment, ça ne passe pas côté occidental. Donc, on le fait arrêter. Il va en prison. Mais il devient vraiment... En plus, c'est un leader très charismatique il devient le grand leader de ce mouvement. Oui. Et puis arrive l'année 70 où il y aura une élection déterminante. Ça, on y vient dans un instant. Frédéric Lavoie, ce sera vraiment un point très, très fort dans la marche du Bangladesh vers l'indépendance. Mais il y a un premier événement et quand on parle de cette région du monde et qu'on ne la connaît pas, on peut sous-estimer l'importance du climat, de la météo. Mais le premier élément qui va être déterminant dans la marche du Bangladesh vers son indépendance, c'est cette catastrophe naturelle qui s'abat sur le pays dans la nuit du 12 au 13 novembre 1970. Le bilan officiel de la catastrophe provoquée par le cyclone et le raz-de-marée au Pakistan oriental s'élève maintenant à 150 000 morts. Le gouverneur du Pakistan oriental, l'amiral Ashan, a fait connaître cette situation après consultation avec des représentants de l'administration des régions éprouvées. Toutefois, les autorités pakistanaises craignent que ce bilan provisoire ne soit très éloigné du total réel des pertes en vies humaines. La presse locale fait osciller l'estimation du nombre des victimes entre 1 et 2 millions. C'est maintenant le problème des secours aux millions de survivants menacés par la famine, la soif et des maladies épidémiques telles que le choléra qui demeure la principale préoccupation. On craint que des centaines de milliers de personnes ne meurent d'ici quelques heures ou quelques jours si des secours n'arrivent pas à temps et en nombre suffisant dans ces régions avec lesquelles les communications sont déjà extrêmement difficile. Extrait de l'émission « De tous les points du monde » animée par Gérald Lachance, l'émission du 19 novembre 1970. Quelle importance, Frédéric Lavoie, à ce cyclone de la mi-novembre 1970 dans cette marche du Bangladesh vers son indépendance? On vient de parler du sentiment qu'avaient les Bengalis d'être discriminés par rapport au Pakistan occidental. Eh bien là, avec ce cyclone-là, on a l'impression qu'on est complètement oublié par le Pakistan occidental, donc par le Pakistan finalement, oui. Mais puisque c'est dirigé par des gens du Pakistan occidental, parce que l'aide prend un temps très long avant de venir, pour plein de raisons logistiques, entre autres, faut se rappeler, les 1600 kilomètres qui séparent les deux endroits, donc ça prend du temps avant de venir aider. Donc, pour les Bengalis, Islamabad n'a jamais été aussi loin de leurs préoccupations, donc il y a cette grogne-là, moins d'un mois avant les élections. Oui, parce que ça, c'est le deuxième élément important qui va tout faire basculer, l'élection de décembre 1970. De quelle façon cette élection est importante? Qu'est-ce qui se passe lors de cette élection de décembre 70? Premièrement, c'est la première élection générale depuis que le Pakistan existe, depuis 1947. Donc, c'est la première fois vraiment qu'on demande... Il y avait eu des élections provinciales, mais jamais nationales. C'est la première fois qu'on essaie cet exercice démocratique dans le pays. C'est le dictateur Yahya Khan, donc c'était une junte militaire qui était au pouvoir à ce moment-là, qui décide de lancer ce processus-là. Et le Pakistan oriental, donc le Bengale, est plus populeux que le Pakistan occidental, même si c'est le Pakistan occidental qui dirige les institutions, ce qui veut dire qu'on a le droit à plus de sièges, ouais, à l'Assemblée. Et voilà, justement, la Ligue Awami de Sheikh Mujib remporte 160 sièges sur 162 côté Pakistan oriental, ce qui lui donne une majorité absolue au Parlement pakistanais. Et donc, forcément, Sheikh Mujib est vu comme le prochain premier ministre. Oui. Et ça, évidemment, c'est très, très mal reçu. Non seulement c'est mal reçu, mais on ne reconnaîtra pas. Le dictateur en place refuse de reconnaître le résultat de cette élection-là. En gros, c'est ce qui se passe. Il reconnaît le résultat de l'élection, sauf que le problème, c'est que Sheikh Mujib dit, moi, si je prends le pouvoir, je veux appliquer mes 6 points. Les 6 points dont, oui, on parlait tantôt, je veux une confédération du pays. Et ça ne passe pas du tout. On parle d'un exercice démocratique, mais il y a évidemment beaucoup de joutes politiques qui se jouent en arrière. Il y a l'autre acteur important, Zulfikar Ali Bhutto, qui va devenir plus tard premier ministre du Pakistan, qui, lui, a remporté seulement environ 80 sièges, tous au Pakistan occidental, ouais, qui, avec Yahya Khan, essaie d'empêcher finalement la prise de pouvoir de Sheikh Mujib. Il y a des négociations entre ces trois hommes. C'est l'impasse assez rapidement, donc on n'arrive pas à s'entendre et on tarde la première session du Parlement. Oui. Et là, Sheikh Mujib se rend compte qu'il va falloir faire un pas de plus. Voilà, et ce pas de plus, parce que ça ne marche pas. Les négociations n'aboutissent à rien, il s'en rend bien compte, et ce pas de plus, il va le franchir le 7 mars 1971. Mes chers frères, aujourd'hui, je vous parle avec le cœur lourd. La douloureuse réalité, c'est que les rues de Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi et Rangpur sont aujourd'hui tachées du sang de nos frères. Maintenant, le peuple du Bengale veut sa liberté. Le peuple du Bengale veut vivre. Le peuple du Bengale veut avoir des droits. Chaque village, ville et syndicat, sous le leadership de la Ligue Awami, doivent être prêts avec ce qu'ils ont sous la main. Gardez à l'esprit que nous allons à nouveau donner de notre sang, mais par la grâce d'Allah, nous allons libérer le peuple de ce pays. Cette fois, nous luttons pour la libération. Nous luttons pour l'indépendance. Ce discours de Sheikh Mujib, le 7 mars 1970, il est crucial, Frédéric Lavoie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? C'est dans un stade plein à craquer, à Dhaka. Et il prononce une phrase. Bon, durant toutes les négociations, il y avait beaucoup d'autres politiciens au Bengale qui lui disaient « Il faut déclarer l'indépendance ». Sheikh Mujib lui disait « Non, parce que nous sommes plus populeux que le Pakistan occidental. Donc, ceux qui devraient se séparer, ce sont eux et non, ouais, nous ». Mais ce jour-là, il décide de dire que, il dit textuellement, notre lutte est pour la liberté, notre lutte est pour l'indépendance. Ouais. Donc, il franchit ce pas et il appelle à un mouvement de non-coopération et à la grève générale pour neutraliser toutes les institutions pakistanaises dans ce qui allait devenir le Bangladesh. D'ailleurs, ce jour-là, on commence à voir des drapeaux du Bangladesh indépendant. Donc ça, c'est un premier pas important. Le virage, il le fait à ce moment-là, le virage net vers l'indépendance totale et complète. Et quelques semaines plus tard, en fait, le discours qu'il prononce, ce virage-là, se fait le 7 mars 71. Le 25 mars 71, c'est la proclamation unilatérale d'indépendance. Et ça, c'est vraiment le déclencheur officiel de la guerre. Oui, parce que Sheikh Mujib déclare donc cette indépendance-là. Yahya Khan, le dictateur pakistanais, avait compris déjà avant que les négociations allaient nulle part. Donc, il avait déjà commencé l'envoi de troupes. Faut se rappeler, il faut les emmener, donc ça prend un certain temps. L'envoi de troupes et dès la déclaration d'indépendance, il lance ce qu'on appelle l'opération Searchlight. Sheikh Mujib est arrêté. Plusieurs autres leaders sont arrêtés. Certains sont abattus. On décide de ne pas abattre Sheikh Mujib pour ne pas en faire un martyr. Mais à partir de ce moment-là, vraiment, on essaie de reprendre le contrôle des institutions, le contrôle de la partie orientale du côté de l'armée pakistanaise. Et cette guerre-là va être... toutes les guerres sont de sales guerres, mais elle est sanglante, elle est cruelle, cette guerre-là. Parce que c'est une guerre de guérilla en bonne partie. Décrivez-moi à quoi ça va ressembler cette guerre d'indépendance du Bangladesh très concrètement. Eh bien, il y a l'armée pakistanaise qui va dans les villages, qui brûle les villages, souvent qui viole des femmes. Il y a des assassinats évidemment sommaires un peu partout. Et de l'autre côté, on a la formation d'une armée de guérilla qui est formée entre autres des quelques militaires bengalis qui étaient dans l'armée pakistanaise, qui ont fait défection ou qui se sont fait mettre dehors. Donc ceux qu'on appelle les Mukti Baini, les combattants pour la liberté, qui entre autres vont s'entraîner en Inde voisine. On va y revenir tout à l'heure. Mais qui lancent une guerre de guérilla, qui connaissent mieux le terrain. Ouais. Le Bangladesh est un pays assez particulier. Avec des rivières, des lacs partout. Et donc, ils mènent cette résistance contre l'armée pakistanaise et on en assassine. Ils assassinent aussi. Donc, des deux côtés, on assassine des présumés collaborateurs. Les hindous sont la cible particulière, la minorité hindoue du Bangladesh est la cible particulière de l'armée pakistanaise parce qu'on les considère déjà à la base comme des ennemis. On ne rentrera pas dans les bilans officiels parce que les chiffres, c'est presque impossible d'établir un chiffre qui se tiennent et qui fassent l'unanimité surtout. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'énormément de victimes, beaucoup des populations déplacées, beaucoup, beaucoup de gens vont quitter aussi le territoire à ce moment-là. Oui, pour le bilan, on parle entre 26 000 personnes et 3 millions, selon ceux que vous écoutez. Mais ce qu'il faut dire, il y en a qui sont morts lors des combats, mais il y en a aussi qui sont morts de maladie en raison de ces déplacements-là. Et on a, selon les estimations, à peu près 10 millions de personnes qui auraient traversé la frontière vers l'Inde pour aller se réfugier. My friend came to me, sadness in his eye, told me that he wanted help for his country. De la chanson Bangladesh, interprétée par George Harrison lors d'un concert organisé à New York le 1er août 1971. Ce concert-là, Frédéric Lavoie, ça s'inscrit dans un mouvement de solidarité qui va naître autour de la question du Bangladesh. De fait, comment va réagir la communauté internationale aux événements, à cette guerre très dure qui se déroule au Bangladesh? Bien, d'un côté, il y a des gens comme George Harrison, Ravi Shankar et Bob Dylan qui organisent ce spectacle aux États-Unis, mais le gouvernement américain, lui, soutient le Pakistan uni. Il Donc, pour des raisons aussi, voilà, on est en pleine guerre froide. De l'autre côté, on a l'URSS qui, elle, soutient l'Inde et donc aussi le mouvement pour l'indépendance bangladais. Pas nécessairement en les armant directement du côté de l'URSS et des États-Unis, mais on les soutient plus politiquement qu'autre chose. Puis un positionnement, vous le dites, là, c'est la guerre froide. Il y a comme un positionnement idéologique. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. L'Inde va jouer un rôle vraiment crucial dans cette guerre-là. De quelle manière? Bien, en mai 1971, l'armée pakistanaise dit avoir pris le contrôle du pays, de ce qui allait devenir le Bangladesh. Les Mukti Bahini mènent cette guérilla-là, mais on comprend que tout seuls, ils n'arriveront jamais à déloger l'armée pakistanaise. Il y a ces réfugiés donc, qui vont en Inde. Et rendu au mois... Qui est un problème pour l'Inde. Ouais. On a 10 millions de réfugiés qui arrivent dans la région de Calcutta. Il faut les nourrir, il faut les aider. Et vers novembre, Indira Gandhi, la première ministre indienne, comprend que finalement, ce serait peut-être plus avantageux pour elle d'essayer de mettre fin à ce conflit en lançant ce qui allait devenir la troisième guerre avec le Pakistan. Hein. Il faut se souvenir qu'en 1948 et 1965, l'Inde et le Pakistan s'étaient affrontés pour la région du Cachemire. Ouais. Mais là, on se dit, on va s'impliquer de nouveau dans ça, parce que aussi, faire naître le Bangladesh pour l'Inde, ça voulait dire se débarrasser de la moitié de son ennemi et avoir gagné potentiellement un allié dans la ouais. région. Donc, ce sera déterminant. À partir du moment où l'Inde intervient directement, militairement dans le conflit, c'en est fait. C'est l'indépendance du Bangladesh. Oui, absolument. On lance l'opération et 13 jours plus tard, le 16 décembre 1971, c'est la reddition de l'armée pakistanaise à Dhaka. Donc, un général indien, un général pakistanais qui signe la reddition. Le Pakistan, ensuite, va un peu plus tard reconnaître cette indépendance du Bangladesh. Ouais. La suite va ressembler à quoi, Frédéric Lavoie? Les premiers mois, les premières années de ce Bangladesh nouvellement indépendant, ça ressemble à quoi? Bien, on parle évidemment d'un pays exsangue hein, qui vient de vivre une année de guerre très intense. L'économie est en ruine. Sheikh Mujib, qui avait été arrêté au début de la guerre, revient au pays en janvier 72, prend le pouvoir. Les premières années sont très difficiles. Il y a une famine en 1974 et Sheikh Mujib décide de se proclamer président à vie. Donc, la démocratie n'aura pas duré longtemps. Quelques mois plus tard, il est assassiné avec presque toute sa famille. Il y aura une succession de régimes militaires avant un retour à la démocratie en 1990, qui verra entre autres l'arrivée au pouvoir en 1996 de sa fille, Sheikh Hasina, l'une des rares survivantes de ce massacre, puisqu'elle était à l'étranger. Et aujourd'hui, il en est où, ce pays, le Bangladesh? Bien, il va mieux que le Pakistan. C'est-à-dire qu'on a, il y a quelques années, on a dépassé le PIB par habitant du Pakistan alors qu'on était beaucoup plus en retard lors de l'indépendance. C'est une démocratie toujours chancelante. Sheikh Hasina, la fille de Sheikh Mujib, a aussi certaines tendances autoritaires. Mais il y a eu beaucoup de progrès. C'est un pays qui est maintenant aussi autosuffisant d'un point de vue alimentaire. Donc ça, il y a eu beaucoup de gains durant ces années, même s'il demeure qu'il y a des cataclysmes naturels très souvent et beaucoup d'autres problèmes à l'intérieur du pays. Frédéric Lavoie, auteur, journaliste indépendant, observateur assidu du Bangladesh au cours des dernières années, c'était fascinant. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges et Pascal Michaud, à la technique aujourd'hui Alain Collin. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'aujourd'hui. L'histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.